Dialogue. Séance de pause. Écoutez. Voulez-vous que je fasse le portrait du petit? Tu es d'accord, Julien? Si vous voulez. Ça nous fera un souvenir du jour où tu seras venu place du Tertre. Assieds-toi. Mets-toi un peu en biais et ne bouge pas trop. Comme ça? Oui, très bien. Alors, tu vas à l'école? Tu es en quelle classe? Au cours moyen. Et tu aimes ça? Oui, mais j'aime aussi les vacances. Et toi, tu dessines tout le temps? Non, je vais aussi à l'école. Tu es grande pourtant. Tu vas encore à l'école? Oui, pour devenir architecte. Mais je fais des portraits pour avoir un peu d'argent de poche. Attention, tu as bougé juste au moment où je dessinais tes yeux. T'en fais pas, il n'y en a plus pour longtemps. Répétez. Voulez-vous que je fasse le portrait du petit? Tu es d'accord, Julien? Si vous voulez. Ça nous fera un souvenir du jour où tu seras venu place du Tertre. Assieds-toi. Mets-toi un peu en biais et ne bouge pas trop. Comme ça? Oui, très bien. Alors, tu vas à l'école? Tu es en quelle classe? Au cours moyen. Et tu aimes ça? Oui, mais j'aime aussi les vacances. Et toi, tu dessines tout le temps? Non, je vais aussi à l'école. Tu es grande pourtant. Tu vas encore à l'école? Oui, pour devenir architecte. Mais je fais des portraits pour avoir un peu d'argent de poche. Attention, tu as bougé juste au moment où je dessinais tes yeux. T'en fais pas, il n'y en a plus pour longtemps.